Les sept péchés capitaux d'Eugène Sue, la gourmandise. Docteur Gasterini, chapitre 1er. Vers la fin du mois d'octobre 1800 et quelques, l'entretien suivant avait lieu dans le couvent de Sainte-Rosalie entre la supérieure de cette maison, nommée Sœur Prudence, et un certain abbé Ledoux, dont les lecteurs de ces récits se souviendront peut-être. L'abbé venait d'entrer dans le parloir particulier de Sœur Prudence, femme de 50 ans environ, à la figure pâle et grave, à l'œil fin et pénétrant. « Eh bien, cher abbé, dit-elle, quelle nouvelle de don Diego ? Quand arrive-t-il ? » « Le chanoine est arrivé, ma chère sœur, avec sa nièce, avec sa nièce. Dieu soit béni. Maintenant, mon cher abbé, prions le ciel de favoriser nos projets. Sans doute, ma chère sœur, prions-le, mais surtout jouons serré, car la partie ne sera pas facile à gagner. Que dites-vous ? La vérité. Cette vérité, je l'ai seulement apprise ce matin, et la voici. Prêtez-moi, je vous prie, toute votre attention. Je vous écoute, mon cher frère. Du reste, afin de nous mieux recorder et de voir bien clair dans nos affaires, établissons nettement l'état des choses. Il y a 2 mois, le révérend père Benoît, attaché aux missions étrangères et actuellement à Cadix, m'écrivit pour me recommander très particulièrement le seigneur don Diego, chanoine d'Alcantara. Il devait s'embarquer à Cadix pour la France avec sa nièce Dolores Salcedo. Très bien, mon cher frère. Le père Benoît ajoutait qu'il connaissait assez le caractère et les dispositions de la seigneure Dolores Salcedo pour être certain qu'elle se déciderait facilement à prendre le voile, résolution qui aurait l'agrément de don Diego, son oncle. Et comme elle doit être l'unique héritière du riche chanoine, la maison dans laquelle entrerait la seigneure Dolores bénéficierait de la fortune qui un jour lui reviendra. C'est cela même, ma chère sœur. Aussi ai-je tout naturellement songé pour la seigneure Dolores à notre maison de Sainte-Rosalie, et je vous ai parlé de ses projets. Je les ai adoptés, mon cher frère, car ayant quelques pratiques, quelque expérience des jeunes filles, je suis presque assuré de pouvoir, par la persuasion, sauvegarder cette colombe innocente des pièges d'un monde tentateur et corrompu, en la décidant à prendre le voile dans notre maison. C'est une œuvre doublement bonne à faire, sauver une jeune fille, et faire tourner au bien des pauvres des richesses dont l'emploi pourrait devenir mauvais dans d'autres mains. Je ne pouvais hésiter. Sans doute, mais maintenant, ma chère sœur, l'inconvénient est que l'innocente colombe a un amoureux. Jésus, que dites-vous, mon frère ? Quelle horreur ! Mais alors, nos projets ? Aussi vous ai-je averti qu'il nous fallait jouer serré. Et comment avez-vous été instruit de cette abomination, mon cher frère ? Par le majordome de don Diego, un modeste serviteur qui doit me tenir au courant de tout ce qu'il saura sur le chanoine et sur sa nièce. Ces renseignements sont indispensables, mon frère, car ils nous mettront à même d'agir avec connaissance de cause et sécurité. Mais quelle notion vous a donné le majordome sur ce malencontreux amour, mon cher frère ? Voici comment les choses se sont passées. Le chanoine et sa nièce se sont embarqués à Cadix à bord d'un trois-mâts venant des Indes et en partance pour Bordeaux. Or, en vérité, il y a souvent des fatalités étranges. Quelle fatalité ! D'abord, le trois-mâts à bord duquel s'est embarqué le chanoine avait pour nom le gastronome. En effet, singulier nom pour un vaisseau. Moins singulier qu'il ne le paraît d'abord, ma chère sœur, car ce navire, après avoir porté aux Indes des vins des meilleurs crus de Bordeaux et du Midi, des jambons de Bayonne, des langues fumées de Troyes, des pâtés d'Amiens et de Strasbourg, de thon et des olives de Marseille, des fromages de Suisse, des fruits confits de Touraine et de Montpellier, etc., etc., etc., revenait du cap de Bonne-Espérance avec un chargement de vins de Constance, de poivre, de carie, de cannelle, de gingembre, de clous de girofle, de thé, de salaison de hachard et autres comestibles des Indes. Il devait compléter son chargement en prenant à Cadix une grande quantité de vin d'Espagne et ensuite retourner à Bordeaux. Bon Dieu, mon frère, que de vin, que de victuailles, c'est à faire frémir. Je comprends maintenant que ce vaisseau soit bien nommé le gastronome. Et vous comprendrez tout à l'heure, ma sœur, pourquoi je vous parlais de fatalités étranges et comment le chanoine don Diego devait préférer de s'embarquer plutôt sur le gastronome que sur tout autre vaisseau, sans compter que la destination de Bordeaux devait extrêmement plaire au chanoine. De grâce, expliquez-vous, mon frère. Pour cela, je dois d'abord vous apprendre, ce que j'ignorais moi-même, avant d'avoir secrètement conféré avec le majordome du seigneur chanoine, c'est que celui-ci est d'une gourmandise inouïe, fabuleuse. Mon frère, l'horrible péché! Horrible péché, soit! Mais enfin, n'en médisons pas trop, ma chère sœur, de ce péché, car c'est peut-être grâce à lui que nous pourrons arriver à nos louables fins et gagner la partie. Comment cela, mon frère? Je vais vous le dire. Le chanoine est doué d'une gourmandise idéale. Toutes ses facultés, toutes ses pensées sont concentrées sur une seule jouissance, la table. Et il paraît qu'à Madrid et à Cadiz, sa table est véritablement merveilleuse, car je me rappelle maintenant que mon médecin, le docteur Gasterini, « Un abominable athée, un sardanapale !» dit sœur Prudence en levant les mains au ciel et interrompant l'abbé Ledoux. Je n'ai jamais compris pourquoi vous receviez des soins d'un tel mécréant. Je vous dirai cela quelques jours, ma chère sœur, mais croyez-moi, je sais ce que je fais. Et d'ailleurs, le docteur Gasterini, malgré son grand âge, est encore le premier médecin de Paris, comme il est le premier gourmand du monde. Car ainsi que je vous le disais, ma sœur, je me rappelle maintenant l'avoir entendu parler de la table d'un chanoine espagnol, table qui, d'après une correspondance de Madrid reçue par le docteur, était, disait-on, vraiment remarquable. Alors j'étais loin de me douter qu'il s'agit de Don Diego. C'est du reste un sot et pauvre homme, d'un esprit borné, accessible à toutes les ridicules superstitions méridionales. Aussi, d'après son majordome, sera-t-il très facile de faire voir à ce gourmand chanoine le diable en chair et en os. Un moment, mon cher frère, cette sotte superstition ne me déplaît point du tout chez le chanoine. Ni moi non plus, ma sœur, au contraire, elle m'agrée fort. Ce n'est pas tout. Le chanoine, grâce à un fond de religion tel quel, ne s'abuse pas sur la vilainie de sa passion dominante. Il sait que la gourmandise est un des 7 péchés capitaux. Il croit que ce péché doit le conduire en enfer. Et pourtant, il n'a pas le courage de résister à son vice. Il mange avec volupté. Seulement, lorsqu'il n'a plus faim, arrive l'heure des remords. Au lieu de remords, ce sont des indigestions qu'il devrait avoir, le malheureux, s'écria sœur Prudence. Cela du moins le corrigerait peut-être. Il est vrai, ma sœur, mais il n'en est pas ainsi. Néanmoins, la vie du chanoine se passe à jouir et à regretter d'avoir joui. Quelquefois même, ses remords et sa superstition aidant, il s'attend à quelque soudaine et terrible punition céleste. Mais lorsque l'appétit revient, avec lui revient l'oubli des remords, et il en a été longtemps ainsi pour le chanoine. Après tout, mon frère, je trouve encore moins coupable que ces sardanapales, comme votre docteur Gasterini, qui jouissait effrontément sans la moindre appréhension. Le chanoine a du moins conscience de son péché, c'est déjà quelque chose. Le caractère du chanoine ainsi posé, vous ne vous étonnerez donc plus que, se trouvant à Cadiz et apprenant qu'un navire appelé le Gastronome était en partance pour la France, Don Diego ait saisi cette occasion de s'embarquer sur un vaisseau si heureusement nommé et de pouvoir, en arrivant à Bordeaux, acheter sur place quelques tonnes de vin des crus les plus précieux. Certes, je comprends cela, mon cher frère. Voici donc le seigneur Don Diego embarqué avec sa nièce sur le trois-mâts le Gastronome. Il est impossible d'imaginer, m'a dit le majordome, la quantité de provisions, de denrées, de rafraîchissements de toutes sortes dont le chanoine avait encombré le pont de ce vaisseau, encombrement défendu d'ailleurs par toutes les règles de la navigation. Mais le commandant du bâtiment, un certain capitaine Horace, mécréant s'il en est, n'avait que trop de raisons d'oublier la discipline et de tâcher de se rendre agréable au chanoine. Et ces raisons, mon frère? Frappé de la beauté de la nièce de Don Diego, lorsque celui-ci était allé avec elle stipuler les conditions de son passage, ce misérable capitaine, devenant soudain épris de Dolores Alcedo et comptant profiter des facilités de la traversée, accorda tout ce que Don Diego lui demanda afin d'être certain de le voir s'embarquer à son bord avec sa nièce. Quelle scélératesse de la part de ce capitaine, mon frère! Heureusement, le ciel en a puni, et cela peut nous sauver. Voici donc le chanoine et sa nièce embarqués à bord du Gastronome, encombrés des provisions de bouche de Don Diego. À peine à la sortie du port, une horrible tempête éclate, et la sûreté du navire exige que, pour plus de rapidité dans la manœuvre, on jette à la mer non seulement toutes les victuailles du chanoine, mais encore les cages à volailles et les bestiaux embarqués pour la nourriture des passagers. Ce coup de vent, qui poussait d'ailleurs le navire du côté de Bordeaux, dura si longtemps et avec une telle furie que pendant presque toute la traversée, il devint impossible de faire la cuisine à bord, et passagers, matelots, officiers, tous furent réduits à manger du biscuit sec et quelques salaisons. Ah, le malheureux chanoine, lui, si gourmand, que devint-il ? Il devint furieux, ma sœur, car cette traversée lui a coûté son appétit. Ah, mon frère, le doigt de la Providence est là. En un mot, soit que la terreur de la tempête, soit que cette longue privation d'aliments recherchés, soit que cette détestable nourriture ait agi sur sa santé, le chanoine, depuis qu'il a débarqué du gastronome, a complètement perdu l'appétit. Le peu qu'il mange pour se sustenter, m'a dit son majordome, lui semble insipide et amer, si bien accommodé que ce soit, et de plus, la superstition lui fait voir dans la fatalité de ces circonstances une juste punition du ciel à l'endroit de sa gourmandise incurable. Or, comme le capitaine Horace est à ses yeux le principal instrument de la colère céleste, le chanoine a pris ce mécréant en horreur, ne pouvant oublier que ses victuailles, qui auraient si bien remplacé le biscuit sec et le lard, ont été impitoyablement jetées à la mer par ordre du capitaine. En vain, celui-ci a maintes fois tâché de lui faire comprendre que le salut du navire avait dépendu de ce sacrifice et de plusieurs autres. Don Diego est resté inflexible dans sa haine. Eh bien, ma chère sœur, croyez-vous que malgré cela, le capitaine, à son arrivée à Bordeaux, a eu l'audace de demander à Don Diego la main de sa nièce Dolores, se fondant sur ce que cette malheureuse jeune fille l'aimait et qu'il était aimé d'elle? Vous sentez, ma sœur, que deux amoureux se soucie peu de la mauvaise chair ou des tempêtes. Aussi ce mécréant avait-il fasciné, ensorcelé cette innocente. Ai-je besoin de vous dire l'indignation, la fureur de Don Diego à l'insolente demande du capitaine Horace, qu'il considère comme son mortel ennemi, comme le mauvais génie envoyé par lui par le courroux céleste? Aussi le chanoine a-t-il notifié à Dolores que pour la punir d'avoir osé aimer un pareil scélérat, il la mettrait au couvent dès son arrivée à Paris et qu'elle y prendrait le voile. Mais jusqu'ici, mon frère, je ne vois que bonheur pour nos projets. Tout semble les seconder, au contraire. Oui, mais vous comptez, ma sœur, sans l'amour de Dolores et sans le caractère résolu de ce damné capitaine. Il est à Paris. Quelle audace ! Il a suivi à cheval, relais par relais, la voiture du chanoine, courant ainsi de Bordeaux à Paris comme un courrier d'ambassade. Il faut en vérité que cet enragé ait une constitution de fer. Il s'arrêtait aux auberges où s'arrêtait Don Diego, et durant tout ce voyage, les œillades de Dolores et du capitaine allaient leur train, malgré les défenses et les emportements de Don Diego. Pouvait-il empêcher cette malheureuse affolée de regarder par la portière? Pouvait-il empêcher ce mécréant de chevaucher sur la grande route à côté de la voiture? Une pareille audace est incroyable, n'est-ce pas, mon frère? Aussi vous dis-je qu'il faut s'attendre à tout de la part d'un pareil forcené. Il n'est pas seul. Un de ses matelots, véritable chenapan, l'a accompagné, chevauchant à sa suite et se cramponnant sur le cheval comme un singe sur un âne, à ce que m'a dit le majordome. Mais il n'importe, ce matelot endiablé est capable de tout pour seconder son capitaine auquel il est dévoué. Ce n'est pas tout encore. 20 fois pendant la route, Dolores a dit résolument à son oncle qu'elle ne voulait pas se faire religieuse, qu'elle voulait épouser le capitaine Horace, et que celui-ci saurait bien d'ailleurs, si on la contraignait, venir, et lui et son matelot la délivrer. Dussent-ils mettre le feu au couvent? Quel bandit ! S'écria sœur Prudence. Quel affreux scélérat ! Voilà, ma chère sœur, où on était hier les choses à l'arrivée de Don Diego dans un appartement que je lui avais retenu d'avance. Ce matin, il m'a fait prier de passer chez lui. Je l'ai trouvé fort abattu et couché. Il m'a appris qu'une soudaine révolution s'était opérée dans l'esprit de sa nièce, qu'elle paraissait maintenant aussi soumise, aussi résignée, qu'elle avait été d'abord indisciplinée, qu'enfin elle consentait à se rendre au couvent aujourd'hui même, si on l'exigeait. Mon frère, ce changement est bien brusque et bien prompt. C'est aussi mon avis, ma sœur. Si je ne me trompe, ce revirement soudain cache quelque piège. Aussi vous ai-je dit qu'il fallait jouer très serré. C'est déjà beaucoup, sans doute, que d'avoir cette malheureuse affolée entre nos mains. Mais encore faut-il songer à l'ennemi, ce détestable capitaine Horace, qui, accompagné de son matelot, sera sans doute toujours à rôder autour de la maison, comme le ravisseur dont parle l'Écriture. « Quarens quem devoret, » dit sœur Prudence, qui se piquait de latinité. « Justement, ma sœur, cherchant quelqu'un à dévorer. Mais heureusement, à bon loup, bon chien de garde, et nous avons ici des serviteurs courageux et intelligents. La plus grande surveillance sera établie au-dedans et surtout au-dehors. Nous saurons bien où demeure ce mécréant de capitaine. Il ne fera pas un pas sans être suivi par un homme à nous. Il faudra donc qu'il soit bien fin, bien audacieux pour tenter quelque chose. » Cette surveillance me paraît très urgente, mon cher frère. Maintenant, ma voiture est en bas. Allons chez le chanoine, et dans une heure, sa nièce sera ici. Pour n'en plus sortir, s'il plaît au ciel, mon frère, car il s'agit du bonheur éternel de cette pauvre folle. 2 heures après cet entretien, la señora Dolores Salcedo entrait en effet dans la maison de Sainte-Rosalie.